Le maréchal Kim Jong-un a adressé ses remerciements aux unités militaires et civiles qui ont créé des mérites de travail dans la campagne du relèvement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord, en soutenant le noble dessein de notre parti qui privilégie, respecte et entoure de l'affection le peuple.